Thank you. mur de substance. J'emmerde les prêtres qui potent les gosses innocents avant d'aller dire une messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal. Pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas si mal tiré. Un jour sur la croix, un week-end en enfer. J'emmerde ces bouts de flics qui enculent leurs suspects avec la matraque, qui leur plante 41 balles dans le corps, bien protégés derrière le mur bleu du silence. J'emmerde les prêtres qui potent les gosses innocents avant d'aller dire une messe. Prétend nous délivrer du mal. Pendant qu'on y est, j'emmerde Jésus qui s'en est pas. what the something is. table. Pure Colombian cocaine, ladies and gentlemen, disco shit. Here is the driven snow. Stones. I'm really stoned. I'm fucking stoned, man. I'm really... Stone? Yeah! Yeah. dormir. Et quand tu te réveilleras, tu verras qu'on a laissé personne te faire du mal. Thank you.

20 seconds to comply. dirty.